rond. Et je termine par l'ivresse. Mais la délicatesse me redresse par quelques moments d'adresse. Vers où aller? Vers où aller? Je t'ai vu, j'y ai cru, succomber à ton aura. Et personne à la hauteur de ton charme ne fera vibrer mon âme. Vers où aller? Vers où aller? Relève le défi, rejoins-moi, appelle à tes oublis pour ne pas chavirer du mauvais côté, afin de ne pas me laisser vers l'insensé. Vers où aller? Vers où aller? Bonheur venait me tendre la main, sans toi je ne verrais plus rien d'autre qu'un grand fossé dans lequel je resterai bien au fond sans regretter le fait de t'avoir trouvé. Vers où aller? Vers où aller? Vers où aller?